Il est temps d'accueillir Guillermo Guise. Oui. Je me suis auto-applaudi. Oui, t'as fait, ouais. Allez, Miss Belgique. Allez, ça va, les amigos? Ouais, super. Et vous me connaissez, moi, je suis le type le plus positif de sa génération. Ouais. Hein. Vas-y, ma sonnerie de téléphone, c'est Suzette de Danny Briand. C'est pour ça que je décroche jamais. J'aime trop la chanson, je la laisse toujours en entier. Il perd la raison chaque fois qu'il voit Suzon. Non seulement il y a la rime riche, en plus il y a un petit côté mambo. Moi, je suis une boule d'enthousiasme. J'ai déjà maté deux films des Frères Dardenne de suite. Regardez mes veines intactes. J'ai même pas essayé de tailler dedans, alors que j'ai un Opinel dans un réduit. Franchement, il m'en faut beaucoup, moi, pour me déprimer. Mais là, c'est chaud quand même. Il n'y a plus rien pour se réjouir. Le JT, ça donne envie de crever dans un ossobuco. Hein. Même quand c'est Leïla qui présente. Normalement, quand c'est Leïla qui présente, au moins je pense Poppers, grosse fête qui dérape. On vole un lama dans un zoo, on le peint en verre, on le ramène à Radio France. Ça fait passer la pilule digitée. Mais là, c'est le cafard, quoi. Ouais. Enfin, cafard complet. Limite, vous, en France, ça va encore. Vous avez gagné l'Euro 2000. Tu vois, niveau moral, vous surfez encore sur le Golden Goal de Trezeguet. Tu vois. Mais nous, en Belgique, on n'a jamais rien gagné. Mais en plus, depuis hier, on n'a plus de bar et on n'a plus de resto, rien du tout. Quoi. Ici, OK, vous avez le couvre-feu à 21h, mais il faut juste quitter le resto à 20h30. Et quitter le resto à 20h30, ça, franchement, ça se fait. En général, quand t'as 8 ans et demi. Vraiment, en mode l'addition. Si vous êtes demain matin, j'ai école. Ça ne gérerait pas que je rate mon contrôle sur les triangles de sel. Mais c'est vrai qu'en Belgique, il n'y a plus de resto du tout. C'est fermé pour un mois. Et moi, je vais devoir me refaire à manger. Manger. Vous avez vu Cauchemar en cuisine? Oui. Bah, c'est la même émission sans Philippe Etchebest. J'en reviens jamais. Quoi. J'ai les bases hein, et tout ce passage. Je sais que les pâtes, c'est cuisson 20 minutes et tout, pas plus al dente. Ah ouais. Voilà, toujours attendre la dernière minute pour mettre le poivre dans l'eau. Ça va, c'est bon, j'ai vu Top Chef et tout. Moi, j'ai 2-3 plats signatures. L'œuf mollet devenu dur, l'émietté de cabillaud sans vraiment qu'on voulait l'émietter, le tiramisu à boire. J'ai des potes. J'ai des potes, ils mangent chez moi. Ils me font putain, j'ai le Covid. Puis enfin, non, ça va, ça manque juste de sel. Vraiment. On m'appelle le Paul Bocuse de Bruxelles. En tout cas, depuis que Paul Bocuse est mort, on m'appelle comme ça. Quoi. Tu vois, ça me déprime de pas être capable de faire mieux en cuisine. Alors que plus je vieillis, plus la bouffe, ça prend de l'importance dans ma vie. Que quand je vais au resto avec un pote, 9 fois sur 10, pas vraiment pour le pote. Franchement, manger, ça devient ma seule source de plaisir, loin devant le sexe. Alors que le sexe, il y a quand même 3-4 pauses qui valent la peine. Et je parle sous l'autorité de Daniel, l'inventeur de la brouette lituanienne, qui, je le rappelle, consiste à faire l'amour avec une partie basse de son corps congelé. C'est vrai, ça va être complexe. Ouais, bien joué, Daniel. Très belle pause. Ça va être complexe, moi aussi. Je me suis surpris à me dire, putain, les restos sont fermés. Je me suis dit, les restos sont fermés, je vais pas tenir, quoi. Puis rapidement, je me suis dit, putain, les restos sont fermés, je vais pas tenir. Comment je suis devenu un de ces bourgeois? Putain, Ernesto, fils d'un écureuil d'une souche d'arbre, tu me dégoûtes. La semaine prochaine, je vous fais une chronique Tesla, Maserati, mon cœur balance. Vraiment, franchement, il y a pas si longtemps, la fermeture des restos, ça m'en aurait touché une sans que l'autre soit dérangé dans sa sieste, quoi. Comme des dizaines de millions de gens dans ce pays, j'allais jamais au restaurant. Le seul truc qui m'aurait impacté, c'est que TF1 enlève Julie Lescaut de mon téléviseur. Tu vois, là, je serais sorti dans la rue. Mais les restos sont fermés, je vais pas tenir. En Belgique, 1 personne sur 5 vit dans la pauvreté. En France, c'est 4 personnes sur 5. J'ai pas la bonne stat, mais je me fie à comment vous êtes habillé. Je vois bien que le problème est profond. Ça sert à rien de minimiser. En attendant, hier, c'était le premier jour sans resto. Et le midi, j'ai mangé 3 tartines à la confiture. Et puis j'ai regardé le pot, elle était bonne jusqu'au 16 septembre. Oh, bien fait pour ma gueule. Ouais. Franchement, les restos sont fermés, je vais pas tenir. J'aurais bien mérité ce staphylocoque. Allez, bonne émission, les amis. Bravo. Il y a toujours la même tête depuis 30 ans. J'adore cette idée de téléphone portable avec la sonnerie de Danny Briand. Je vous invite tous à aller aux soirées à Vilnius.